Chapitre 4. Le bonhomme Truaz. Les touristes qui se rendent de Paris à Aix-les-Bains, l'une des stations balnéaires les plus renommées de la Haute-Savoie, descendent à Culose, où ils trouvent un train qui les conduit à destination. À Aix, le train s'arrête une heure, et les voyageurs qui vont plus loin ont le temps de déjeuner soit au buffet de la gare, soit dans un des somptueux hôtels de la ville. Quelques minutes avant l'arrivée du train, un individu, vêtu de ce gros drap gris qui se confectionne dans les montagnes de la Savoie, se promenait avec une certaine impatience aux alentours de la barrière par où sortent les voyageurs. Cet individu, dont les allures étaient celles d'un paysan, pouvait avoir une soixantaine d'années. Son vaste chapeau, déformé par la pluie et par l'usage, avait pris la forme d'un champignon. Sous ce chapeau apparaissait un visage qu'il était difficile d'oublier après l'avoir vu. Sur un nez recourbé comme le bec des oiseaux de proie, était fixée une paire de lunettes en argent dont les boucles massives encadraient des verres ronds, pareils à des yeux de bœuf. Ses lèvres étaient si minces qu'on aurait pu croire qu'elles avaient été découpées par une lame de rasoir. Quoique maigre, il semblait avoir une santé vigoureuse et les tons bistrés de sa peau parcheminée indiquaient une existence passée en plein air. À coup sûr, cet individu, malgré son accoutrement plus que modeste, ne devait pas être le premier venu car tous les employés de la gare le saluaient avec une déférence marquée. Le chef de la station l'ayant aperçu, le fit entrer sur le quai de la gare après lui avoir demandé s'il attendait quelqu'un. « J'attends ce mange-tout de baron de Lavernay, qui doit arriver ce matin de Mâcon, » répondit le bonhomme en prenant une prise de tabac dans une de ses tabatières appelée queue de rat et qui coûte 10 centimes. « En usez-vous, monsieur le chef de gare ?» Ce dernier accepta par politesse. « Excellent tabac, de contrebande, » fit-il en éternuant. « Le tabac de la régie est si mauvais, » repartit Truaz. « Ah, voici le train qui arrive. J'aperçois la tête de monsieur le baron à la fenêtre d'un compartiment de première. « Si ça ne fait pas pitié, » grommela entre ses dents le bonhomme, « prendre les premières lorsqu'on n'a pas le sou. Moi qui ai quelque aisance, je ne vais jamais qu'en troisième. » Sans compter que vous pourriez prendre des coupés et ne pas faire pour cela grand tort à votre bourse, dit en clignant de l'œil le chef de gare, car on prétend que vous avez des millions dans vos cabs. Le commerce des bois est devenu mauvais, répondit Truaz, et ceux qui disent que j'ai des millions sont des menteurs ou des envieux. On sait à quoi s'en tenir, poursuivit son interlocuteur. Lors du dernier emprunt, vous avez pris pour 10 000 francs de rente. Je tiens la chose du percepteur. Le percepteur est un bavard. Allons, ne vous fâchez pas, monsieur Truaz. Et si cela peut vous faire plaisir, je dirai à tout le monde que vous êtes pauvre comme Job. Le train venait de s'arrêter et le chef de gare s'éloigna rapidement. Le personnage dont nous avons tracé la silhouette, le bonhomme Truaz, comme on l'appelait dans le pays, était l'un des plus gros bonnets des Alpes françaises. Son nom, comme commerçant, était des mieux cotés sur les places de Genève, de Berne et de Lyon. Aucune banque n'eût hésité à lui compter 1 million sur sa simple signature. Le père Truaz, qui habitait le village de Saint-André, s'était enrichi dans le commerce des bois au moment de l'annexion. Le rusé compère avait compris que la réunion de la France d'une certaine partie de la Savoie allait donner une vie nouvelle au pays et que des voies de communication s'ouvriraient pour relier entre eux les points les plus excentriques du territoire. Alors il se dit que d'immenses forêts de sapins qui, jusque-là, avaient été réputées inexploitables faute de débouchés, ne manqueraient pas d'être exploitées. Il calcula, avec une véritable science d'ingénieur, le tracé et la direction des routes à ouvrir. Puis, hardiesse rare chez un paysan, il vendit ses lopins de terre, et avec leurs produits grossis d'emprunt à gros intérêt, il acheta les plus belles forêts du département. Tout se réalisa selon ses prévisions. Les bois qu'il avait acquis à vil prix s'exploitèrent facilement, s'écoulèrent de même, et en moins de 10 ans, le bonhomme Truaz avait gagné 5 millions. Telle était la situation pécuniaire de cet homme qui attendait avec une vive impatience l'arrivée du baron de Lavernay. Le baron, ainsi que l'avait annoncé le chef de gare, était dans le train venant de Culose, et la première personne qu'il aperçut en descendant fut le bonhomme Truaz. Voilà, fit-il avec un mouvement de mauvaise humeur qui n'échappa point aux lunettes du marchand de bois. Vous m'avez demandé un délai pour aller à Mâcon chercher les fonds nécessaires au paiement des 20 000 francs que vous me devez, répondit Truaz, et je viens vous demander mon argent. » « Nous causerons de cela tout à l'heure, mon aimable créancier, » répliqua M. de Lavernay. « Je meurs de faim, et vous me permettrez bien de déjeuner. Nous avons une heure devant nous. Si vous le voulez, nous déjeunerons ensemble et nous partirons ensuite pour Humilly. » « Bah pour le déjeuner, » dit Truaz, qui, tout rustre qu'il était, ne dédaignait point les invitations de ce genre. Le baron conduisit le marchand de bois à l'hôtel de l'Europe, et là, ils s'attablèrent devant un repas copieux arrosé des meilleurs crus. La salle commune de cet hôtel était peu faite pour des confidences entre créanciers et débiteurs. Aussi la conversation du baron et de Truaz resta-t-elle sur le terrain vague des généralités. Le déjeuner terminé, ils retournèrent à la gare. L'heure du départ était arrivée. Le marchand de bois, 5 fois millionnaire, fidèle à ses habitudes de parcimonie, prit un billet de 3e. Quant au baron, il s'était confortablement installé dans un coupé. Au moment où Truaz allait monter en wagon, son débiteur lui héla. « Venez donc à côté de moi, » lui dit-il. Monsieur de Lavernay avait certainement un projet en faisant cette invitation qui concordait si peu avec la mauvaise humeur qu'il avait manifestée tout d'abord en apercevant son créancier. « En coupé ? Jamais, » répondit le bonhomme. « Les petites économies font les gros millions. »« Je paierai le supplément, » reprit le baron. « Allons, comme vous voudrez, » dit le marchand de bois. Puis tout bas, il murmura, « Dissipateur, panier percé, il ferait bien mieux de me payer ce qu'il me doit. »« En wagon, messieurs !» cria un employé, « le train va partir !» Presque aussitôt, un coup de sifflet se fit entendre et le convoi se mit en marche. « Maintenant que nous voici seuls, » dit M. de Lavernay, « lorsque Truaz eut pris place à côté de lui, nous pouvons causer de nos petites affaires sans crainte d'être dérangés. »« Monsieur le baron, » répondit son créancier. « Vous me devez 20 000 francs de capital, plus 200 francs d'intérêt, ce qui porte votre dette au chiffre rond de 21 200 francs. » « Parfaitement exact, le comte, » reprit son débiteur, qui venait d'allumer un Londres. « Dans ce cas, payez-moi. J'ai justement dans ma poche une quittance signée d'avance. Mauvais plaisant. Vous savez bien que je ne le puis pas. Alors je ferai marcher le papier timbré. À quoi bon des frais inutiles ? En serez-vous mieux et plutôt remboursé quand vous aurez lâché les huissiers à mes trousses ? Je saisirai ce qui vous reste. Il ne me reste rien. Et vous n'ignorez pas que c'est ma très chère sœur Athénaïs qui possède tout, répondit le vieux gentilhomme. C'était pour me dire cela que vous m'avez invité à déjeuner et fait monter en coupé avec vous, répliqua le marchand de bois avec une colère peu contenue. Cela et autre chose. Quoi donc ? Il faut que vous me prêtiez 8 000 francs. Truaz bondit à cette proposition formulée d'une voix calme par le baron. « Ah ça, êtes-vous fou ? Ou me prenez-vous pour un imbécile ? » s'écria-t-il. « Je vous prends, au contraire, pour un homme d'infiniment de bon sens. » Repartit M. de Lavernay, avec le même calme. « Et vous me prêterez ces 8 000 francs lorsque je vous aurai prouvé clair comme le jour qu'ils me sont indispensables pour pouvoir vous payer les 21 200 francs dont je vous suis débiteur. » « Vous me ferez infiniment plaisir en me prouvant cela, » dit Truaz avec un sourire goguenard. « Écoutez donc attentivement ce que je vais vous dire, » répondit le baron en jetant son cigare par la fenêtre du coupé. Le marchand de bois mit ses coudes sur ses genoux et son menton sur ses mains. « Je vous ai emprunté 20 000 francs, » poursuivit M. de Lavernay, « non pas pour les dissiper follement, comme vous pourriez le supposer, mais pour reconstituer ma fortune. Voyons un peu cela, » dit le bonhomme Truaz. Vous savez que ma sœur Athénaïs, mon aînée de 6 ans, est aujourd'hui dans sa 64e année. Parfaitement. Vous savez également que je suis son héritier direct et que sa fortune est d'environ 300 000 francs. Connu. Mais ce que vous ignorez, c'est que malgré ma qualité incontestable et incontestée d'héritier direct, cette fortune doit revenir un jour à mon fils, qui est sur le point d'épouser une fille très riche. De sorte, interrompit le marchand de bois, qu'il ne vous reviendra à la mort de votre sœur, si elle meurt avant vous toutefois, pas même un rouge liard pour me payer. Mais alors je suis volé comme dans un bois. Veuillez prêter la plus grande attention à ce qu'il me reste à vous dire, continua M. de Lavernay, et vous verrez que si vous savez comprendre vos intérêts, vous ne perdrez rien. J'écoute, répliqua Truaz en ouvrant ses oreilles. Le baron de Lavernay poursuivit en ces termes. Mon fils, ainsi que je viens de vous le dire, héritera de tous les biens de sa tante. Mais Athénaïs, ma chère sœur, pour pour ne pas me laisser mourir de faim, me reconstituera une petite pension incessible et insaisissable que Maurice sera chargé de me faire. « Je suis donc volé, tout ce qu'il y a de plus volé !» s'écria le marchand de bois. « Vous comprenez, mon cher Truaz ?» continua le vieux gentilhomme, sans se préoccuper de l'interruption passablement injurieuse de son créancier, « qu'il est tout naturel que je me sois arrangé de façon à ne pas être réduit à cette situation humiliante. « Eh bien, après ?» fit le bonhomme peu rassuré. « Ma sœur étant mon aînée, répliqua M. de Lavernay, doit, dans l'ordre de la nature, partir la première. « Ça n'est pas une raison. Souvent les jeunes déménagent avant les vieux, » interrompit le marchand de bois. « Athénaïs est d'une santé douteuse. Elle en est à sa quatrième attaque de catarrhe, et il est probable qu'une cinquième l'enlèvera. C'est possible. Eh bien, il m'est venu, il y a 5 ans, une idée superbe, magnifique. C'était de placer les 30 000 francs qui me restaient, après ma débâcle, sur la tête de ma chère sœur. « Sur sa tête ?» fit Truaz qui ne comprenait pas. « Oui, j'ai assuré la vie d'Athénaïs pour une somme de 200 000 francs, et je paye à cet effet 13 600 francs par an. Les 30 000 francs qui me restaient sous mon ancien avoir ont servi à payer les 2 premières années, et les 20 000 francs que vous m'avez prêtés, joints à d'autres petits emprunts, ont été employés à payer les 3 autres. Très bien. Ensuite, si je ne paye pas la police qui va échoir dans 3 mois, le contrat devient nul de droit, et toutes les sommes que j'ai versées jusqu'à ce jour, y compris vos 20 000 francs, mon cher Truaz, seront complètement perdues. De sorte que c'est pour continuer cette assurance que vous voulez m'emprunter encore 8 000 francs. Pas pour autre chose, mon brave créancier. J'ai rapporté de Mâcon, en tout et pour tout, 6 000 francs, et il m'en manque environ 8 000 que je vous demande. Turlutaine ! Fit le marchand de bois en hochant la tête. Vous réfléchirez. C'est tout réfléchi. Mais si je vous abandonnais le tiers des 200 000 francs qui me reviendront à la mort d'Athénaïs, ce qui ferait 66 666 francs pour votre part. Le chiffre est assez joli, je n'en disconviens pas, mais votre sœur peut vivre 100 ans. Athénaïs, je vous en réponds, ne passera point l'hiver. Le baron prononça ces mots avec un accent si étrange que le bonhomme Truaz se sentit froid dans le dos. On était arrivé à la gare de Rumilly. C'était à 6 ou 7 kilomètres de cette station que demeuraient M. de Lavernay et le marchand de bois. Le vieux manoir d'Athénaïs était situé sur le sommet d'une montagne qui dominait le torrent du Fier. Le marchand de bois, plusieurs fois millionnaire, habitait un chalet des plus confortables auprès du village de Saint-André. Une de ces voitures des campagnes dans lesquelles les maîtres sont assis sur le côté attendait le baron à la sortie du chemin de fer. Une sorte de rusto, moitié cocher, moitié jardinier, et qui répondait au nom de Martin Thibault, était sur le siège. « Si vous le voulez, mon cher Truaz, je vous conduirai jusque chez vous, » lui dit le vieux gentilhomme. « C'est mon chemin pour aller à ma taupinière. Vous économiserez vos jambes. »« Très volontiers, » répondit l'avare. Et sans plus de façon, il s'assit à côté de M. de Lavernay. La nouvelle route qui conduit à Seyssel est une des plus pittoresques de la Haute-Savoie. Dans le lointain, on aperçoit le profil sévère de la Tournette qui se dresse au-dessus des hautes montagnes environnantes. Dans la plaine apparaît comme une sombre déchirure du sol. C'est le torrent du Fier qui s'élance et bondit au milieu de ces abîmes sinistres. Les percherons du baron étaient de bons trotteurs. En peu de temps, ils atteignirent le joli village qui porte le nom de Saint-André et dont les maisons coquettes se groupent au fond d'un paysage alpestre. Perdues au milieu des arbres, elles ressemblent de loin à des plaques blanches sur un tapis de mousse. Le chalet du bonhomme Truaz était adossé à un bois de sapin. Un sentier bordé d'églantiers et de bépines y conduisait. Comme le sentier était trop étroit pour laisser passer une voiture, le marchand de bois descendit. « Eh bien, » lui dit M. de Lavernay d'un ton des plus dégagés, « quand nous reverrons-nous ?»« Dame, voyons, » répondit Truaz après un instant de réflexion. « Ça vous va-t-il de venir souper demain avec moi à la bonne franquette ? Nous pourrions causer un instant. »« Convenu, » reprit le baron, dont la voiture disparut bientôt dans un des tournants de la route.